Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est la saga des femmes fortes numéro 630. 630 édition de la saga des femmes fortes sur cette radio RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la radio des Beatles le mercredi soir. Nous sommes le 12 mars 2025 et l'album de la semaine, c'est Amour. Oui, c'est Love des Beatles en 2006. On écoutera I'm the Walrus, je vous décortiquerai les chansons au fur et à mesure. Get Back, Because, il y aura également Being for the Benefit of Mr. Kite, etc. Il y aura Lucy in the Sky with Diamonds et également Octopus's Garden. Mais il y aura du Paul McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles aussi, d'autres que ceux-là. Pour McCartney, ce sera Maybe I'm Amazed sur l'album McCartney en 70. John Lennon nous fera une particularité, ce sera en live, c'est en 74, je vous donnerai l'anecdote tout à l'heure. Il chante avec Elton John et ce qui est très amusant, c'est qu'il dit « Je vais vous chanter une chanson qui est celle d'une vieille fiancée à moi, c'est Paul McCartney. Je ne l'ai jamais chantée, alors j'espère que vous m'excuserez. » Et il nous chante « I saw her standing there ». C'est la seule fois qu'on entend John Lennon chanter « I saw her standing there » en 1974. George Harrison nous chanterait une chanson qui aurait dû être sur l'album All Things Must Pass de 1970, mais faute de place, cette chanson a été reléguée dans les tiroirs pour ressortir sur des rééditions, et tant mieux, parce que I Live For You est vraiment une très très belle chanson. Quant à Ringo Starr, il vous chantera la chanson No No Song, la chanson où il dit non non je ne fume plus, non non je ne bois plus, non non je ne fais je sais plus quoi, mais en fait il le faisait à l'époque. Voilà, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous propose de commencer l'émission avec tout de suite Love, l'album des Beatles et cette chanson que vous aimez, I Am The Walrus sur RG. Bonne soirée tout le monde. Love est un album sorti en novembre 2006 contenant de la musique compilée, réinventée et remixée des Beatles. George Martin et son fils Jill l'ont produit en collaboration avec le Cirque du Soleil pour en faire la trame sonore du spectacle Love présenté de 2006 à 2024 sur la scène de l'hôtel du Mirage à Las Vegas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson I Am The Walrus? Ça va être très très court. La version est proche de l'original, elle est remasterisée et enrichie au niveau des bruitages, vous avez bien constaté. On va faire beaucoup plus complexe que ça, pour l'instant, c'est franchement peinard. Voici une autre masterpiece, un autre chef-d'œuvre, celui de Paul McCartney en 1970, et cette chanson, Maybe I'm Amazed, sur RG. Nous allons nous retrouver en 1974. Écoutez. On a essayé de trouver un titre à faire. Après, on se barre et on sera malade. Voici un titre d'une vieille fiancée à moi qui s'appelle Paul. Et voilà. Voilà, le seul témoignage de John Lennon qui chante « I saw her standing there ». All alone in this world am I. Not a care for this world have I. Only you keep my eyes open wide. I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. And she held out some marijuana. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A woman that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. Tired of waking up on the floor. No, thank you, please. It only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Just came from Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. Well, I said, no, no, no, no, I can't take it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Si vous écoutez la fin, les derniers mots que dit Ringo Starr, après avoir dit « je ne bois plus parce que ça me rend malade, je sniffe plus parce que après je suis par terre, etc. » À la fin, toute fin, les derniers mots, c'est « prépare-moi une autre boisson, s'il te plaît, j'en ai besoin. » Un truc comme ça, voilà. Trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.com. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers. Ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, beatlesmagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. arms for long. Goodbye, goodbye, back to where you once belonged. C'est une version raccourcie de la chanson, incluant aussi les montées de cordes de la chanson A Day in the Life, l'accord d'intro de Hard Day's Night et le solo de batterie de The End. C'était l'album de la semaine, bien sûr. L'album, c'est Love, sorti en 2006 par les Beatles, si on veut. Et c'est une très, très bonne. C'est un très, très bon album que je vous conseille de vous acheter. John Lennon par deux fois sur RIG, You Can't Catch Me d'abord, et puis il y aura Nobody Loves You When You're Down and Out. Thank you. Nobody loves you, Benny Downer. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back. Les chansons les plus tristes de John Lennon en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Il dit à un moment donné « Tout le monde t'aime quand tu es six pieds sous terre ». Et il dit aussi « Je te frotte le dos et toi tu me donnes des coups de couteau dans le dos ». Ouais, il devait en avoir après quelqu'un. Hein. Enfin, je vais essayer de vous remonter le moral, parce que j'en ai besoin, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain d'avoir besoin de vous remonter le moral, puisque le mercredi, non seulement c'est Ravioli, mais c'est la saga des femmes fortes. Je vous propose Monk Berry Moon Delight. Cette chanson-là de Ram, de Paul McCartney, c'est très très bien pour se dégager la gorge. Vous allez essayer de chanter en même temps que McCartney. Je veux vous entendre d'ici. Oh, Il pouvait faire tout, Paul McCartney, à cette époque-là. À l'époque de Ram, en 1971, ça n'a pas vraiment de rapport, même si, oui, il peut faire tout lui aussi. Eric Gallo sera là ce soir et il vous proposera dans Johnny de A à Z une émission qui s'appelle Les Originals. Donc, vous allez entendre les versions originales des adaptations françaises faites par Johnny Hallyday. Par exemple, Good Old Time Rock and Roll. Je ne sais pas s'il va passer ça, mais à mon avis, il va sûrement passer le titre de Bob Seger, Old Time Rock and Roll, qui a été interprété par le bon temps du rock and roll. Voilà, vous voyez. Bon, rendez-vous à 22h, vous en saurez plus. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Back in school again, Maxwell plays the pool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Caught a dirty one, Maxwell stands alone, painting testimonial pictures, oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. Maxwell must go free. The judge does not agree, and he tells them so, oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down on his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead. Marteau d'argent de Maxwell. Maxwell's Silver Hammer est une chanson construite sur des rimes fortes dans laquelle un étudiant en médecine, Maxwell Edison, utilise son marteau d'argent pour tuer tout d'abord sa petite amie, puis un professeur et finalement un juge. C'est gay. C'est un morceau enjoué et vaudevillesque qui ne laisse transparaître l'intérêt récent de Paul pour l'avant-garde que par une référence à la pataphysique. J'ai jamais vraiment trop compris ce que c'était que la pataphysique. Bon. John m'a expliqué un jour que Maxwell Silverhammer parlait des lois du karma, se souvient Tony King, un ancien employé d'Apple. Nous discutions de la chanson Instant Karma parce qu'il venait de lui arriver quelque chose d'assez désagréable et qu'il avait dit que c'était un exemple de karma instantané. Il m'a expliqué que l'idée développée dans cette chanson était que la seconde où tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le marteau d'argent de Maxwell s'abat sur ta tête. Paul déclara à l'époque que cette chanson incarnait les aléas de la vie. Dès que tout va bien, le marteau d'argent de Maxwell réduit tout à néant. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round, because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Love is old, love is new. Love is old, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because version totalement a cappella de la chanson qui était déjà apparue sur Anthologie 3. Ont été rajoutés des chants d'oiseaux provenant d'une version de la chanson Across the Universe enregistrée au profit de la WWF. J'ajouterai que les chœurs que vous entendez, c'est George, Paul et John, trois fois. Ils chantent en chœur, ils se sont réenregistrés et ils se sont encore réenregistrés et tout ça compilé les uns sur les autres. Ça donne ce son extraordinaire qui n'était que Beatlesien. Lui, c'est Paul McCartney. En 1978, London Town, cette superbe ville, sur RG. Walking down the sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, toot, toot, toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London Town. To me, holding conversations that Thank you. En 1971, Paul tend la main à John, Dear Friend, sur l'album Wildlife. C'est un album que je n'aime pas tellement de Paul McCartney. Il a enregistré en une quinzaine de jours. Il avait voulu faire comme Bob Dylan avait fait lui aussi à son époque. Quand il avait appris, Paul McCartney, que Dylan avait enregistré un album en 15 jours, il s'est dit, on va faire pareil. Et je trouve que certains titres auraient gagné à être un peu plus travaillés, un truc comme ça. Mais il y a des perles, comme cette chanson-là, par exemple, Dear Friend, que vous venez d'entendre à l'instant sur RIG. Vous êtes à l'écoute de la saga des Fab Four, numéro 630, et j'espère que tout va bien pour vous. On est ensemble jusqu'à 22h, et peut-être une minute ou deux. Et je vous propose du Ringo Starr, en 1992, sur l'album Time Takes Time, avec cette belle chanson, I Don't Believe You, Je ne te crois pas. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. You've done me wrong. I can see it in your face. I can't take much more of this. Gonna put you in your place. Telling lies won't get you far. I learned that in my youth. I'm giving you just one more chance, and all I want from you is true. I don't believe you. 'Cause I've been lying. About your credit cards, all your fancy clothes. Forget about my rings and things, and the bottom for your nose. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But you won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. Stop it now. These lonely eyes, truth is what you'll find. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But the next time that you do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe you. 'Cause I've been lying. Take two. C'est ça le grand intérêt d'acheter les anthologies pour écouter des versions, on peut appeler une version de travail d'une chanson. Franchement, je préfère la version finale, celle qu'on entend sur l'album blanc. Mais bon, ils essayaient de se chercher. Et souvenez-vous la semaine dernière, parce que j'ai quand même gardé à l'esprit, alors c'était une petite erreur de ma part, hein, mais on m'avait accusé, on m'avait dit, ça n'est pas Ringo qui a dit « I've got blisters on my fingers ». Bon, alors, il s'est trouvé que c'était le jingle qui était parti trop tôt, donc on n'a pas entendu effectivement Ringo le dire. Mais je vous avais dit que sur l'album VH1 Storytellers, on pose la question à Ringo et Ringo répond. Voici cet extrait que je voulais absolument vous proposer. At the end of Helter Skelter, is it you or John that says they have blisters on their fingers? It was me. I got blisters on my fingers! Voilà, c'est tout. Mais bon, retour à l'album de la semaine. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. This is K and H, assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Chickens at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Thinking some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. Being for the benefit of Mr. Kite avec du I Want You, She's So Heavy, matinée de Helter Skelter. C'est la version remasterisée de la chanson avec renforcement des basses et inclusion de bruitage animalier issu de Good Morning, Good Morning. Le final instrumental original est remplacé par celui d'I Want You, She's So Heavy, sur lequel est ajoutée la voix de McCartney hurlant sur Helter Skelter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette très très belle chanson. Et à cette heure-ci, nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois séparés des Beatles. Et même si eux-mêmes reprenaient une chanson, la cover, c'est une chanson chantée par un artiste, connu ou pas. Ça pourrait très bien être vous, si vous me proposez un titre bien fait, d'une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo ou George. Là, c'est un duo de jeunes filles. Elle s'appelle Sina et Emily Lynch. Je ne suis pas sûr que ce soit la prononciation correcte, mais sinon, si on le fait en français, ce serait Linge. Ceci dit, Emily avec un Y, ça sonne américain ou en tout cas anglo-saxon. Sur un single de 2021, il nous propose la fin du medley Golden Slumbers, Carry That Weight et The End sur RG. Once there was a way to get back home, once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Oh, She's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changed from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. J'étais obligé de terminer là, le logiciel l'a interrompu avant. Bon, c'était la cover, c'était bien. Et la chanson suivante, c'est le ressemblant à le fils de l'un des quatre, etc. Et là, c'est, je pense, celui qui a le plus de talent dans la génération d'après. C'est Julian Lennon. Julian Lennon, qui, en 1998, sur l'album Mr. Jordan, 1989, pardon, je me frappe. Voilà. 1989, sur l'album Mr. Jordan, nous chantait Mother Mary sur R.I.G. My heart is beautiful outside. An old man gathers wood. Can you see me sitting here? His mind is somewhere else. His friends have flown away. He's left out in the cold. He won't sit by my fire. He says he likes it in the snow, where footprints never go. He likes it in the snow. It's getting dark outside. The old man's going home. Is someone waiting there? Is he living on his own? Where footprints never go. He likes it in the snow. White blanket hiding the traces of tears she didn't see. His heart beats again in the same old way. He can't help feeling that she might come back someday. A magpie looks for food. The old hand throws a crumb. Do you think he's found a friend? Where footprints never go. He likes it in the snow. Qu'est-ce que j'aime cette chanson Footprints sur RG, c'est Paul McCartney en 1986 sur l'album Press to Play. Un album qui a été fraîchement accueilli et pourtant il y a, comme d'habitude chez Paul, des grosses, grosses perles dedans. Celle-ci, cette chanson-là, il y a However Absurd que j'adore, il y en a d'autres également, il y a Press to Play qui a marqué un petit peu la maison. Avec ce clip, si vous vous en souvenez, il a tourné le clip dans le métro, sans avertir les gens apparemment, parce qu'il y avait vraiment des sourires partout, des gens qui étaient très contents de voir Paul McCartney. Et c'était sympa. Si nous retrouvions, parce qu'il va falloir se presser, hein, Eric va bientôt arriver, Eric, ce sera Johnny de A à Z, avec pour album de la semaine, enfin plutôt thème de la semaine, The Originals, donc les originaux des reprises faites en français par Johnny Hallyday. Ce sera très très très intéressant. Ah bah tiens, je parlais du loup, le voici. Je pense qu'il nous diffusera certainement une chanson de Bob Seger, certainement. C'est prévu, Eric ? C'est prévu, je m'en doutais. Et nous, on retrouve en attendant les Beatles en 1970 sur l'album Let It Be et cette belle chanson, The Long and Winding Road, sur RIG. Passe drôlement vite, hein. On va bientôt se retrouver à la fin de l'émission, alors je vous propose vite l'album de la semaine Love, sorti en 2006 par les Beatles, si on veut, pour le Cirque du Soleil, et Lucy in the Sky with Diamonds. C'est une version proche de l'original dont l'introduction est légèrement allongée. Elle contient notamment des bruitages de Tomorrow Never Knows sur l'intro et de Baby You're a Rich Man sur le refrain. Le final se compose d'une répétition de l'intro par sampling et d'extraits des arrangements classiques de Good Night. On l'écoute de suite sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Seven flowers of

On n'arrête plus maintenant. Johnny, dans pas longtemps, et là c'est John Lennon avec Just Like Starting Over sur RG. It's so precious together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It should have been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Chanson préférée de Ringo Starr, à mon avis, c'est Picture Show Life sur l'album Old Wave en 1983. Hollywood is waltzing, doing that double talking. Anything they could do to make it through another LA night. And can you imagine all those girls are strolling? They're doing the best to make it through another LA night. In a picture show night. In their own little world. In their own little space. They can be who they want to. In their own little place. Double imagine. All the girls are smiling, all the boys are trying. Anything they could take to burn away another LA night in a picture show light. Imagine all those girls are strolling, all those boys are holding. They're doing the best to make it through another LA night in a picture show light. Mais le temps passe trop vite. Il nous faudrait 2 heures de plus, 3 heures, 4 heures. Enfin, dernier extrait de l'album de la semaine, Octopus's Garden, extrait de l'album Love sur RG. C'est maintenant et c'est dans la saga des femmes fortes. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden, in the shade. In our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be in the shade. Go back to high. Great. Beautiful. Sensational. Bad. Not great. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy knows what to do. I'd like to be under the sea in an octopus' sky with you. In an octopus' sky with you. In an octopus' sky with you. Octopus's Garden, la version est proche de l'original. Elle contient des extraits de des arrangements classiques de Goodnight à la place de l'instrumentation d'origine sur le premier refrain, ainsi que des bruitages provenant de Yellow Submarine, un break de batterie de Lovely Rita, le solo de batterie de Police and Pam sur le solo instrumental et des éléments de guitare de Helter Skelter sur le dernier refrain. Le final s'enchaîne avec un extrait de basse extrait de Sun King. I got my mind set. Lui, c'est George Harrison et vous connaissez la chanson. Chanson faite par George Harrison pour son pote Ringo Starr, Rock My Brain. Ensuite, ce sera Eric pour Johnny de A à Z. Till my head's filled with pain, rack my brain. All dried up, I'm all dried up. All I have is empty cup, all dried up. je sais, à chaque fois vous dites déjà, mais vous croyez que Eric passerait dans une heure, pas deux heures. Elle est en retard encore. Mais oui, ça passe très très très vite. Dans quelques instants, Eric pour Johnny de A à Z. J'ai enlevé deux chansons quand même, hein, pour être le moins en retard possible. Je vous souhaite une très bonne écoute, je sais que ça va être très très bien. Je vais l'écouter jusqu'à la maison et peut-être au-delà, un peu comme... comme le Captain Kirk dans son vaisseau entreprise, vers la musique et au-delà. Voilà, ce sera un truc comme ça. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée. Je délire, je sais, je suis fatigué. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut, bisous aux filles. Ciao.